tableau préféré, un œuf prisonnier dans une cage. Il se lève le matin, il le peint et c'est la révélation. Il va dès lors s'atteler à résoudre ce qu'il appelle des problèmes. Et dans un tableau qui a pour titre l'équation, il peint un parapluie ouvert sur lequel est posé un verre d'eau. Et le problème du parapluie est ainsi résolu puisque c'est le verre d'eau qui va recevoir l'eau dont le parapluie est censé nous protéger. Philosopher, c'est aussi parfois divaguer, hein, laisser libre cours à son imagination. Il nous le montre et c'est d'ailleurs ce que les héritiers de Magritte ont continué à faire, des peintres comme Andy Warhol ou Joseph Kosciuszko qui a réalisé d'ailleurs une fresque superbe qui clôt l'exposition Magritte. Vous nous redonnez le titre de l'exposition. Magritte ou la trahison des images, c'est dès demain à Beaubourg jusqu'en décembre. Mais dépêchez-vous parce qu'il risque d'y avoir une très très très longue queue. Et comme Monique Younès a beaucoup aimé l'exposition, nous allons vous faire gagner des billets d'entrée, des catalogues d'exposition si vous répondez à la question suivante. Quel est le tableau le plus célèbre de Magritte ? Réponse dans un instant et on se dira au revoir avec Laurent Ruquier et toute l'équipe de Laissez-vous tenter avant d'accueillir Julien Courbet. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Profil Plus. Des pneus garantis à vie, une géométrie, des nouvelles plaquettes ou des amortisseurs. Avec Profil Plus, profitez d'une déduction jusqu'à 80€ sur votre facture pour l'achat et la pose de pneus Michelin. Prenez rendez-vous dans votre centre Profil Plus ou sur profilplus.fr. A plus chez Profil Plus. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Allô ? Passez-moi la reine d'Angleterre, please. Comment cela ? No. Eh bien, sachez qu'à la Mutuelle de Poitiers, j'appelle directly mon agent. Absolutely. Ah, tout le monde n'est pas aussi accessible que votre agent Mutuelle de Poitiers. Chez nous, pas de plateau téléphonique. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et ça change tout. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Il reste quoi à faire ? Couler la dalle, monter les murs, poser les planchers. Ok, on se dépêche. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 199€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Les jours boosters du 19 au 23 septembre. Venez profiter de nos offres exclusives et tenter de gagner un Kangoo chez nos partenaires pros. Loyer Tax Credit by maintenant 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Règlement et liste partenaires sur Renault.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat. À chaque passage en caisse, à partir de 25€, ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Coucou! Regarde ce que je savoure avec une petite cuillère. Qu'est-ce que tu manges ? C'est la nouvelle innovation Chrysler. Le repas idée délice complet, équilibré, digeste, délicieux. On peut l'emmener partout. C'est pour tout le monde ? Oui, le repas idée délice Chrysler est prêt à savourer, moins cher qu'un sandwich et ça remplace n'importe quel repas. Regarde sur internet à kairi2s-laure.com. Appelle le 0800 34 36 38. Appel gratuit depuis un poste fixe. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chrysler, j'adore, l'ami de votre silhouette. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Monique a beaucoup aimé l'exposition. Nous vous faisons gagner donc des billets d'entrée, des catalogues pour aller voir l'exposition Magritte. Et la question était assez simple, hein. Quel est le tableau le plus célèbre de Magritte ? Ceci n'est pas une pipe. Voilà, on va se quitter là-dessus. Laurent Ruquier, merci d'être venu. Sans commentaire, vous avez remarqué comme on a été très sage. J'ai déjà mis dans la vue de Julien. Non, ne dites pas ça, ça tombe pile sur moi. Hein. Évidemment, il lâche le truc, pipe, pas de commentaire, et tout de suite, Julien Courbet, il m'envoie la patate chaude. Ah là là. Est-ce que vous avez vu cette petite info dans le Parisien ? Tiens, je m'adresse à Laurent, lui qui lit énormément la presse. C'est Djibril Cissé qui s'est fait braquer. Vous l'avez vu ça ? J'ai vu ça, oui, et, oui. Il a été à l'inauguration de nouvelles boutiques au Puce de Saint-Ouen et à 22h30, à la sortie d'un restaurant, deux hommes armés lui ont volé les bijoux avant de s'enfuir. Et 30 minutes après, les bijoux étaient en vente dans les boutiques qu'il venait d'inaugurer. je suppose, parce qu'en fait, ils l'ont fait venir parce qu'ils avaient besoin de stock. Je pense que c'est une histoire de fou. Bon, tout va bien sinon ? Tout va bien. C'était par rapport à la pipe, les bijoux de famille. Oui, effectivement. Effectivement. C'était pour faire un lien. Vous voyez, j'essaie de me raccrocher aux branches. Bon, certains ont l'esprit de suite. Et un gros MERDE pour ce soir et le cinéma. Je prends, comme on dit dans ces cas-là. Allez, bonne chance. Bonne journée à tous. Bonne émission. C'est parti, mesdames et messieurs. C'est en direct. C'est comme tous les matins. C'est l'émission qui règle vos problèmes avec le sourire, mais surtout qui ne lâche rien. Alors, il y a des cas parfois très injustes. C'est notamment celui de Guy. Dans une seconde, nous allons le traiter. Écoutez ce que nous a dit Guy sur le répondeur RTL. Alors que ma fille a été reconnue handicapée à 80% en 2014 et qu'elle devrait percevoir une allocation de 3 700 €, je patiente depuis 2 ans. L'organisme ne me verse rien. C'est complètement fou. Il y a le droit et on ne lui verse pas. Donc il va falloir s'attaquer à ça et à tous les autres cas. Au 3210 ou sur Facebook, l'équipe est là, prête à se battre pour vous. Il y a Maître Fellono, la divine, à votre avocate qui est là. Bonjour à tous. Double négociation aujourd'hui. Hervé Pouchol, Bernard Sabat, salut les gars. Bonjour Julien. Et toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Nous sommes prêts à vous aider. Vous écoutez l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h. Soyez les bienvenus. D'ores et déjà, je vous annonce que jeudi 22 septembre, jeudi qui arrive, écoutez bien, je vous ferai gagner un inoubliable séjour à l'île Maurice, hôtel 5 étoiles, Sofitel, Mauritius, l'Impérial, et vous partirez avec Corsair. Donc jeudi, si vous voulez partir à l'île Maurice, qui est quand même la destination qui fait rêver, ça sera entre 9h30 et 11h. Guy, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Monsieur Guy, vous nous appelez d'où Guy ? De La Roche-Posay, à côté de Poitiers. La Roche-Posay, c'est pas une marque de soins de beauté ? Ah, c'est le nom de la ville, en fait, c'est oui. ça ? Oui, et non, oui, c'est le nom de la ville. Très bien. Et alors, donc, je suppose, Guy, que vous devez avoir un teint fabuleux, non ? Vous devez mettre des crèmes à la Roche-Posay toute la journée. Nous sommes bronzés, bien sûr, dans le coin. Il fait toujours beau. Alors, Guy, à partir de novembre 2014, votre fille, Marilyn, a été reconnue handicapée à 80% avec besoin d'aide à domicile. Et le 17 décembre 2015, vous recevez un courrier qui stipule que votre fille peut percevoir une allocation d'un montant de 3 700 € par an. Vous avez vu le courrier, vous le confirmez, Maître Fellono. Oui, et cette somme-là, mais surtout rétroactivement, puisque c'est à compter de l'année 2014. Donc en fait, Guy, ils vous doivent combien si on additionne tout ? Alors, disons, on va commencer en début de l'année 2015, donc ça fait 4, 5, 6, 7 trimestres avec celui-ci. Et donc ça fait combien en trimestre ? Parce que les auditeurs ne savent pas combien vaut un trimestre. Alors, c'est 343 €. D'accord. Donc ils vous doivent aujourd'hui 343 € seulement ? Non, c'est par trimestre. Oui. Je repose ma question, Guy. Au total, à votre avis, combien vous doivent-ils ? Je dis bien au total, comme la station-service. Bon, dans les 5 000 €, là. Voilà. Je passerai les calculs. Vous voyez que dès qu'on parle avec un haut-parleur, les gens comprennent. Oui, c'est formidable. Mais bien sûr. Mais non, mais je vous taquine, c'est parce que les auditeurs, si vous voulez, vous êtes dans votre dossier. Moi, je le connais un petit peu. Maître Fellono, un peu plus. Bernard Sabat, Hervé Pouchol, pas du tout. Mais il faut que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe. Donc, 5 000 €. Aujourd'hui, pourquoi, quand vous les appelez et que vous leur dites, écoutez, elle a le droit à cette pension d'invalidité, d'handicapé, pourquoi vous ne la payez pas ? Qu'est-ce qu'on vous répond, Guy ? Eh bien, à chaque fois que j'envoie un courrier ou chaque fois que je leur téléphone, il faut de la patience, de la patience, de la patience. Moi, ça fait bien. Ils vous disent qu'il faut de la patience. Oui, parce que ça va être réglé. Donc, la semaine dernière, il y a eu un premier versement d'un trimestre de 343 € sur son compte. Oui, alors là, ils vous envoyaient un petit acompte. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi un petit acompte par-ci, pourquoi pas l'intégralité. C'est complètement fou, cette histoire. Tout à fait. Donc, ils me disent qu'il manque un papier. Donc, j'envoie les papiers. Je les envoie au moins 5-6 fois. L'ancien patron de ma fille aussi a envoyé des papiers. Mais je retiens quand même cet argument qu'on n'avait encore jamais entendu après presque 17 ans d'émission. C'est vieux. Petit Guy, tu dois avoir la patience en toi. Essaye. Moi-même, je t'ai guéri un un peu comme Fantomas. Oui, mais il a raison. Il faut de la patience, mais c'est quand même fou ça. Bon, maître Félono, dites un mot et je serai guéri. Moi je dirais, écoute Popeye, c'est à cause de l'argent. Oui. Je ne sais pas du tout comment c'est géré. Enfin, non, c'est pas la première fois qu'on a cet organisme en face de nous. C'est un peu la même chose qu'avec les autres organismes de retraite ou autres. Voilà, il faut patienter. Mais là, franchement, plus d'un an, Julien, ça va. Donc la patience est à bout, il faut leur faire comprendre. Guy, je vous mets entre les mains d'Hervé Pouchol, oui, notre négociateur à qui vous pouvez dire bonjour, mais il parle très jeune, donc vous pouvez lui dire « Ça va, Cholpou ? Comment tu vas, frérot ?» Allez-y, Guy. Bon, comment ça va, frérot ? Alors, frérot, comment ça va, mon Guitou ? Alors, non, ça va bien, ça va bien. J'ai dit que vous parliez ado, pas que vous parliez comme chez Michou, mais c'est pas grave. Guy, c'est parti, on appelle tout de suite donc votre interlocuteur. Évidemment, c'est, la situation est grave, mais on essaie de le faire de manière détendue. On va aider la petite Marilyn et nous battre comme des lions pour elle. Donc là, on appelle la fameuse Humanis. C'est à Rouen. C'est bien la musique. Il la connaît par cœur, Guy. C'est branché, en fait. Mais c'est surtout qu'il a appelé. Combien de fois avez-vous appelé, Guy ? Je sais pas. Je vais pas dire une dizaine de fois. Je vais vous dire ce qui rend les gens fous. Pardon ? Je m'adressais aux auditeurs. Il y en a quand même deux ou trois, Guy, à qui j'essaie de parler un peu le matin. Mais c'est le fait de ne pas dire la vérité. Vous savez, c'est pareil pour la politique. C'est pour ça aussi qu'il y a une désaffection des Français par rapport à la politique, parce que c'est le mensonge permanent. Autant lui dire, monsieur, on va être clair avec vous. Allô ? Oui, Humanis ? Oui. Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. C'est pas du tout une blague. Je suis avec Guy Guépard. Sa fille a été reconnue handicapée à 80% et vous lui devez une allocation depuis le 17 décembre 2015 d'un montant, vous le verrez sur votre ordinateur, 3 772 € par an. Et aujourd'hui, il n'a quasiment rien touché. Et ça fait quand même un petit bout de temps. Est-ce que vous pourriez nous aider dans ce dossier, s'il vous plaît, madame? Je peux vous donner des numéros de contrat, des références. Alors, nous allons voir ensemble, effectivement, je vous propose de m'indiquer peut-être le numéro de sécurité sociale, de l'assurer dans un premier temps. Je vous donne tout ça. Hervé, hors antenne, pouvez-vous donner à cette sympathique? Puis-je me permettre de vous demander votre prénom, madame? Oui, Stéphanie. Écoutez, Stéphanie, c'est un bonheur de vous parler. Je vous remercie. Là, ça me fait l'effet comme un ouragan qui passait sur moi, je vous assure. Vous donnez tous les numéros, Hervé, et on va retrouver cette dame pour avancer. Guy, vous restez en ligne, faites-vous un petit café. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Elle est brune ou blonde ? Ah non, ça, ne lui demandez pas de pronostic sur brune ou blonde. De toute façon, maintenant, il l'a eu au téléphone, il est capable de lui demander. Donc, on n'en saura pas plus. Cas Express, Salima sera là, ça sera notre deuxième cas dans quelques instants. Un problème de maison, je prends l'affiche et je lis en diagonale. Je vous donne des mots-clés que je vois. Maison, assistance, payé hôtel, trois enfants, aucune info. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants sur RTL. À l'écoute du 9h30, 11h, qui est l'émission la plus écoutée de France chaque matin. À cette heure-ci, je vous remercie de votre fidélité. Notre cadeau, vous aider. 3210, quel que soit votre problème, ou Facebook. La page, ça peut vous arriver. Et si vous voulez du haha et du ho-ho, à tout de suite sur RTL. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi ? Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein ? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Volet, portail, comme il faut. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Allô ? Dis donc, mais c'est quoi cette voix ? Ah, j'ai la crève depuis hier. Du coup, je reviens de la pharmacie. C'est des médicaments Mylan qu'on m'a donné. Mylan. Même avec une voix pareille, ça se prononce Mylan. Ah oui, c'est ça. Je connais bien, ça fait un moment que j'en ai chez moi. Et t'as surtout réponse à tout. Et si en plus je te dis que Mylan est présent dans 90% des hôpitaux en France ? Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Élément démographique 2015 de l'Ordre national des pharmaciens. Panorama au 1er janvier 2015 et données internes. Ça tourne, ça tourne. Ok. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman, en fait, qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc, les plats, déjà, sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Conditions de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Papa, regarde la maison que j'ai dessinée. Bon choix de matériaux pour l'élévation des murs, isolation sans plomb thermique, les lambris de toit sont bien peints. Parfait, fiston. Allez, prends ton crayon, on termine ensemble. Aucun doute, vous êtes un pro, restez-le. Parce que l'excellence professionnelle exige des outils à la hauteur, Volkswagen Véhicule Utilitaire vous propose l'extension de garantie jusqu'à 5 ans pour 1 euro de plus par mois sur toute la gamme Volkswagen Véhicule Utilitaire. Extension de garantie en crédit bail sur la gamme commerce, durée limitée selon modèle réservée aux professionnels jusqu'au 31 octobre 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. 9h41 sur RTL, votre émission le 9h30-11h. Premier cas, celui de Guy. Marilyn, sa fille handicapée à 80%, a le droit et elle reçoit un courrier à une allocation qu'elle n'arrive pas à toucher. Où en êtes-vous, Hervé Pouchol, avec la sympathique Stéphanie? Ah, la très sympathique Stéphanie. En plus de ça, non seulement elle est sympathique, mais elle est très efficace. Parce qu'elle est déjà sur le dossier, elle va vous parler. Stéphanie, je vous écoute, nous sommes en direct sur RTL. Et merci encore une fois de votre gentillesse. Je vous en prie, je vous remercie de votre accueil également. Donc voilà, je viens de vérifier ce dossier. Effectivement, c'est ce que j'expliquais au monsieur, j'avais précédemment en ligne. Nous avons mis en place un règlement en date du 5 septembre qui concerne le premier trimestre. Je suis d'accord, nous n'avons pas versé le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Il semble que sur ce dossier, nous ayons fait une demande de pièces complémentaires par rapport au bulletin de salaire du salarié. Donc voilà ce que je vous propose, parce que c'est vrai que moi je n'ai pas l'ensemble des éléments à disposition. Déjà j'entends bien la réclamation que porte ce monsieur, ça j'en ai parfaitement conscience, et déjà nous présentons toutes nos excuses par rapport aux délais que nous avons actuellement, délais de traitement qui sont importants. Sachez que nous avons mis des actions en place, mais elles sont encore en cours de mise en place, et nous faisons vraiment le maximum pour ça. Et ce que je vous propose, c'est de prendre les coordonnées d'un interlocuteur pour que moi je puisse me rapprocher du service. Sans problème. Afin de voir ensemble ce que l'on peut mettre en place. Stéphanie, je vais vous donner ça. Juste une question à poser à Guy. Guy, est-ce qu'on vous a demandé d'envoyer des papiers complémentaires et les avez-vous envoyés? Oui, à plusieurs reprises. Voilà. Alors, le problème, c'est que Guy a l'impression, ne le prenez pas mal, Stéphanie, mais qu'on essaie de faire traîner un peu les choses parce qu'il n'arrête pas d'envoyer des papiers. Vous avez, je crois, sous les yeux, Maître Felono, les courriers. C'est-à-dire qu'en fait, le dossier, il est vraiment complet puisque votre décision de principe, elle est prise et notifiée par écrit le 17 décembre 2015. On connaît également le montant annuel de la location. On sait tout. Il faut juste les bulletins de salaire régulièrement et ils sont envoyés régulièrement. Donc effectivement, on se demande dans quel tuyau les bulletins de salaire sont restés coincés. Bon. Vous pouvez parce vous en que occuper, c'est quand madame. Même embêtant. Est-ce qu'on peut se faire un point vendredi, une fois que je vous ai tout donné hors antenne? Oui, bien évidemment. Génial. Bien évidemment, je transmets votre dossier en priorité et je fais vérifier ce qui nous manque sur ce dossier. C'est très gentil. Nous allons pouvoir faire un point rapidement. Merci Stéphanie. Donc Sarah, vendredi, nous sommes sur l'antenne d'RTL. Guy, ça devrait se régler d'ici vendredi. On est d'accord, Guy, hors antenne, vous allez faire le point avec Hervé et Stéphanie sur les rares papiers qui doivent manquer. Ok ? D'accord, je vous remercie de votre intervention. Mais je vous en prie, Guy, mais on se parle vendredi avec Humanis, parce qu'ils sont très sympas. Merci Stéphanie, d'accord. Bonne journée, merci. À bientôt. Bonne journée. Hervé, également. Vous récupérez tout? Oui, Stéphanie, ne quittez pas, j'arrive. Ça marche. Dans une seconde, on va lui dire un petit coucou. C'est Salima. Salima, bonjour. Est-ce que Salima est en ligne avec moi? Salima, je suis là. Bonjour. Allô Salima, comment ça va? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle tout. Je vous appelle de... Si vous ne le savez pas, demandez à quelqu'un autour de vous. Mais on habite où depuis maintenant toutes ces années? Justement, j'habite plus où j'habitais depuis toutes ces années puisque ma maison a pris feu. Alors, c'est ce qu'on va expliquer dans une seconde parce que là aussi, vous voyez, c'est un cas d'urgence. Votre maison a pris feu le 10 septembre. Vous avez une assurance. L'assistance vous a payé l'hôtel quelques jours. Mais maintenant, vous êtes à la rue avec 3 enfants, dont un handicapé, parce que l'assurance pour l'instant semble bloqué. On va détailler tout ça et Salima, dites-vous bien que vous êtes prioritaire maintenant et qu'on va vraiment s'occuper de vous, d'accord? Merci. Alors je vous demande de patienter quelques instants, le temps de préparer tout ça. J'invite tous ceux qui sont bien sûr dans des situations d'urgence comme ça à nous appeler au 3210 ou faire Facebook. La page, ça peut vous arriver. RTL tend toujours, toujours, toujours sa main aux auditeurs. Là, nous partons à Bruxelles quelques instants avec Boulevard Désert, l'album Boulevard Désert, et nous nous retrouvons pour aider Salima et croyez-moi, on va tout faire pour l'aider. Merci.

Tu sais que Chrysler intensifie son recrutement avec l'arrivée de ce nouveau repas des délices? Moi qui veux changer de job, ça m'intéresse. Choisis Chrysler, 20 ans d'expérience. Numéro 1 des sociétés de distribution d'aliments de bien-être de vente en réseau en France. Regarde sur internet à kairi2s-laure.com. Pour votre santé, bougez plus. Chrysler, j'adore, l'ami de votre silhouette. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. J'ai 5 interventions ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois a appelé pour une fuite. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Les jours boosters du 19 au 23 septembre. Venez profiter de nos offres exclusives et tenter de gagner un Kangoo chez nos partenaires pro. Loyer tax crédit by maintenance 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Règlement et liste partenaire sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, les grands temps de s'occuper de Salima, en direct sur RTL dans le 9h30-11h. Donc Salima, votre maison a pris feu le 10 septembre. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a pris feu, Salima? La première expertise, c'était indéterminé. Et la deuxième, ce serait plutôt un cambriolage. Et puis après, ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé derrière eux pour pas laisser de traces. Voilà, il n'y a pas de traces. Donc, il y a eu des espèces d'empreintes qui ont été prises. D'accord. Mais bon, ça, c'est en cours. Et puis... Salima, je vais avancer dans le récit si vous voulez bien pour qu'on comprenne bien parce que je vais synthétiser tout ça. Vous vivez donc avec vos trois enfants seuls ou il y a quelqu'un avec vous ? Non, j'ai mon mari, sauf que lui, il y a eu le choc, donc il est c'est pas qu'il est pas très présent, mais il est choqué en fait. Mais je comprends tout à fait. Vous avez trois enfants, dont un handicapé, c'est ça ? Oui, j'ai la dernière qui a une pathologie au niveau des os, donc elle a été hospitalisée plus d'un an. Enfin, elle marche difficilement, là ça va mieux. Elle était en fauteuil roulant jusqu'à présent et là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est une enfant qui est reconnue par la MDPH. Alors, vous avez bien sûr contacté votre assurance. L'assurance, immédiatement, vous a logé à l'hôtel et vous a dit vous serez à l'hôtel. Pardon, Salima ? Ça, c'est l'assistance. L'assistance, les premiers jours, ça a été l'assistance qui est intervenue sur le dossier. D'accord, Salima, on ne va pas tout mélanger, ne vous inquiétez pas, je connais le dossier. C'est juste pour que les auditeurs, encore une fois, on fait une émission de radio. Je comprends quand les auditeurs sont sur l'antenne et veulent nous donner des détails, mais l'auditeur, lui, s'il ne comprend rien, ça ne sert à rien. Juste que les auditeurs comprennent que vous ne vous êtes pas retrouvé à la rue le lendemain. L'assurance, ou si vous voulez, qui est passée par une assistance, vous a envoyé à l'hôtel. Mais il vous a dit, vous restez à l'hôtel combien de temps? Est-ce qu'il y avait un nombre de jours fixe? C'est trois jours. Et alors, après, quand vous appelez votre assurance en leur disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et qu'est-ce qui est prévu dans votre contrat en cas d'incendie? C'est ce que je leur ai demandé, je n'ai pas eu de réponse. Et pour le logement, ils m'ont dit, retournez-vous vers les logements sociaux. Allez voir avec votre mairie. Donc, il faut savoir une chose, c'est que la mairie est intervenue. Hein. Donc, ça, je ferai une petite parenthèse. Mais la mairie est... Mais mon assurance à moi m'a dit, allez voir les services sociaux. Alors, Salima, il y a juste une question qui se pose, parce qu'on ne peut pas non plus inventer des situations qui peut-être n'existent pas dans les contrats. Est-ce qu'un contrat prévoit que vous allez être relogé? Si c'est le cas, effectivement, il faut être relogé, mais peut-être que le contrat ne prévoit pas qu'en cas d'incendie, vous soyez relogé, mais ce qu'il faut, c'est accélérer l'indemnisation de la maison. La plupart des contrats d'assurance incendie, Julien, ne prévoient pas de relogement. Il y a un relogement, effectivement, qui est là en urgence de 3 jours à 5 jours à l'hôtel, et ensuite, c'est à vous de vous reloger. Mais l'assurance vous indemnise le relogement et elle doit vous verser ce qu'on appelle un acompte d'urgence pour que vous puissiez vous racheter les vêtements, les affaires de premier, les d'hygiène. Ils l'ont fait hier, l'acompte. Pardon ? Le premier acompte, ils l'ont versé hier. D'accord. Voilà, d'accord. Donc, ouais. Donc du coup, tout se passe, je dirais, normalement du contrat d'assurance. Là, la seule chose que vous voulez, vous, c'est qu'on vous aide à retrouver un relogement, si je comprends bien. Et surtout avoir de la visibilité sur la suite. Oui, d'accord, mais ça ne va pas se dérouler en une semaine. Ça, ce qu'elle veut savoir, viennent, c'est quand est-ce qu'elle va pouvoir récupérer de l'argent pour pouvoir... C'était votre maison, vous étiez propriétaire ? Oui. D'accord, c'est ça qu'elle veut savoir. Parce que là, son problème, c'est que vous n'avez aucune info. On est bien clair, vous n'avez aucune info de l'assurance, hormis le fait qu'il vous envoyait un petit acompte hier. Alors, il s'est passé quelque chose entre-temps, c'est que j'ai été hier au siège de Swiss Life à Levallois. Oui. Et j'avais fait moi un courrier de 4 pages en leur demandant j'avais des interrogations. Ils n'ont pas répondu à toutes les interrogations, m'ont envoyé le contrat les conditions générales. Oui. Et on m'a conseillé de prendre un expert indépendant. C'est ce que j'ai fait. J'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure à 14h. D'accord. Alors ça, c'est important. Il faut que ça concerne tout le monde aussi. Vous avez le droit, payé par votre assureur, à voir votre propre expert, ce qu'on appelle un expert d'assuré, qui va contradictoirement chiffrer les désordres. C'est que l'on donne l'objectif, Maître Felloneau. Que veut Salima exactement ? Pouvez-vous me dire ce que vous souhaitez ? Qu'attendez-vous d'RTL, Salima ? Je veux qu'on me donne de la visibilité. Je veux qu'on me dise assez rapidement si on va retourner dans la maison. Je veux savoir si je dois aujourd'hui. Alors, la maison, les photos sont sur Facebook. Je vous conseille de les voir, soit sur la page, ça peut vous arriver, soit sur ma page perso, Julien Courbet. Mais vous pouvez pas retourner dans la maison comme ça. Il va y avoir des semaines et des mois de travaux sur ce que j'ai vu, non ? Ouais. Donc voilà, ils vont vous dire, il va falloir que l'expert passe, mais on va faire ça pour vous, pour que vous soyez rassurés, parce que là, elle est paniquée. Oui. Non mais dites-moi, Salima, ne tournons pas autour du pot. Là, vous m'appelez, moi je suis là pour vous aider. En attendant, je vais où parce voilà. Voilà. Donc il vous faut un logement, parce que vous ne savez pas où loger. Voilà. Ils m'ont demandé un document sur la valeur locative. Donc je leur ai posé la question. Je voulais savoir, puisque la mairie, normalement, c'est pareil, cet après-midi, devrait me proposer un appartement à hauteur de 1000 euros, je crois. Et je voulais savoir l'assurance, comment ils intervenaient. D'accord. Et pareil, comment ils intervenaient par rapport à mon crédit aujourd'hui. Alors, la question, effectivement, est importante. C'est parce que, effectivement, le relogement, vous n'allez pas vous louer un château sous prétexte que votre trois pièces a brûlé. Donc, il faut trouver un relogement qui soit conforme aux besoins de votre famille et conforme à celui que vous avez perdu provisoirement le temps qu'on reconstruit. Donc, on va effectivement regarder vis-à-vis avec votre assureur si l'appartement que la mairie va vous proposer, eh bien, ils vont prendre le loyer en charge. Okay. Voilà. Et vis-à-vis du crédit entre-temps. Allez, mais voilà. Salima, on va lancer tous les coups de fil dans quelques instants. Puis il y aura un autre cas qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, Salima. Sarah est sur le coup. Elle va lancer les coups de fil à la mairie, partout. Et on va vous donner des nouvelles tout au long de l'émission. Et puis on viendra après sur Marion qui a été victime d'une inondation chez elle. Vous restez avec nous sur l'antenne d'RTL pour suivre tous ces coups de fil. C'est des situations qui peuvent arriver à n'importe qui. Le cas de Marion, vous, c'est réglé, Hervé Pouchol. Je vous vois tout souriant là avec le premier cas dont on rappelle le premier cas. C'était la fille de Guy, reconnue handicapée à 81% en 2014. Elle devait percevoir 3 700 et l'organisme avait du mal à payer. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs, mais j'ai un bon feeling avec Stéphanie. Je sens qu'il va se passer quelque chose. D'ici 10h30, vous aurez du nouveau. Allez, ça marche. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Si je te dis un coq, une poule et un vin, tu penses à quoi ? La vieille ferme ? Si je te dis rosé, blanc et rouge, tu penses à quoi ? La vieille ferme, bien sûr. Bon, et si je te dis un vin issu d'une région paisible et ensoleillée du sud de la vallée du Rhône depuis plus de 40 ans, tu penses à quoi ? Eh bien, la vieille ferme, peu cher. Retrouvez dès aujourd'hui le coq et la poule de la vieille ferme chez votre caviste. La vieille ferme, le plus français des vins. Cocorico ! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, 50% de remise immédiate sur le lot de deux packs de 38 tablettes lave-vaisselle Sun Expert Ultimate. Génial ! C'est exactement ce que je me suis dit. Du 20 au 24 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le lot de deux packs de 38 tablettes lave-vaisselle Sun Expert Ultimate, variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 6,49€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation ? Waouh ! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. La fille de Guy, reconnue handicapée à 80%, ne touche pas son argent. Alors que ma fille a été reconnue handicapée à 80% en 2014 et qu'elle devrait percevoir une allocation de 3 700 €, je patiente depuis 2 ans. L'organisme ne me verse rien. normalement réglé d'ici la fin de la semaine, peut-être d'ici la fin de l'émission Hervé. Ah oui, moi je prends l'engagement. Toutes les équipes d'Humanis sont mobilisées sur le cas de Guy. Salima, sa maison a brûlé. Elle se retrouve maintenant à la rue avec ses trois enfants. Elle veut juste savoir où elle va habiter. Elle est paniquée, elle a besoin de réponses de la part de la mairie, de la part de l'assurance. Nous appelons tout ça, nous lançons en antenne les appels. Et dès que nous avons un interlocuteur, nous basculons pour la rassurer. Apparemment, les gens font leur travail, mais elle n'a pas d'infos. Donc, il faut l'aider et vous trouvez ça normal. Un troisième cas arrivera ensuite. RTL, il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les universités accueillent cette année en France quelques 30 000 étudiants de plus que l'an dernier. La rentrée se fait toujours un peu en décalé par rapport à l'année scolaire. Alors on dispose maintenant des chiffres. 2 580 000 étudiants sont inscrits soit en fac, soit en classe prépa, soit en BTS, IUT ou grandes écoles. Cette année, le budget des universités augmente de 100 millions d'euros. Il y a une modification des barèmes des bourses. Quelques 5 000 étudiants qui n'avaient droit jusqu'à présent qu'à l'exonération des frais d'inscription bénéficient en cette rentrée d'une bourse annuelle de 1 000 euros. Marine Le Pen était ce matin sur RTL. La présidente du Front National affirme « Nous sommes et de droite et de gauche. Nous avons vocation à rassembler tous ceux qui partagent les grands choix de préservation de la nation et de la République française », dit-elle. Marine Le Pen ajoute « Je crois qu'il y a des patriotes de droite et de gauche et nous avons autour de nous très largement les talons pour constituer un gouvernement ». Après avoir mené une enquête dans des abattoirs à travers toute la France, la commission parlementaire présidée par le député Olivier Falorni remet aujourd'hui son rapport. La commission va notamment recommander que des caméras soient installées dans tous les abattoirs. RTL vous le révélait dès ce matin. Ces images filmées particulièrement au moment de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux permettront de vérifier que les gestes sont précis et que le bien-être animal est respecté. Parmi les autres mesures proposées par la commission, il y a aussi l'expérimentation d'abattoirs ambulants pour éviter de longs trajets aux animaux. Dans l'actualité, il y a aussi les combats et les raids aériens qui ont repris de plus belle en Syrie après la fin de la trêve, notamment dans la ville d'Alep où les habitants sont à nouveau confinés chez eux. Un raid aérien a touché un convoi et tué 12 humanitaires du Croissant Rouge ainsi que les conducteurs de camions qui devaient acheminer de l'aide dans la province d'Alep. La Syrie va dominer les débats en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre à New York. À Assise, en Italie, des dignitaires religieux du monde entier sont rassemblés pour promouvoir la paix. Cela fait 30 ans que le pape Jean-Paul II a initié ces rencontres interreligieuses d'Assise. Le pape François est attendu sur place en fin de matinée et une grande cérémonie aura lieu en fin d'après-midi où sera lu un message de paix. Il n'est jamais trop tôt pour préparer Noël. La ville de Strasbourg vient de choisir le grand sapin qui trônera au cœur du marché de Noël. Un magnifique arbre de plus de 30 mètres déniché dans la forêt domaniale du Dabot, dans les Vosges. Il sera coupé le 24 octobre et installé au centre de Strasbourg. Le 31 octobre, nous indique Yannick Collin en Alsace pour RTL. La bourse de Paris a débuté en recul ce matin, moins 0,25%. La tendance maintenant est à la légère hausse. Le CAC 40 tourne autour de 4 403 points. La météo du jour, les éclaircies reviennent par l'ouest. Il continue de faire beau sur le sud-est, avec du ciel bleu mais du vent soutenu. Sur le reste du pays, les nuages pourraient encore dominer aujourd'hui. Pour les températures, on attend par exemple 18 degrés au Havre et à Nancy, 19 à Brest et Strasbourg, 20 degrés à Paris, 21 à Lille et Lyon, 24 à Bordeaux et Toulouse, 27 à Montpellier et Marseille. Les courses à Auteuil cet après-midi, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 2, le 3, l'As, le 5, le 8, le 13, le 9 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 3, baguette magique. Il est 10h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL. C'est trop facile ça. Julien, il a forcément une baguette magique. Oui, c'est facile, mais j'aimerais bien voir ce cheval, ma baguette magique. Bon, c'est intéressant, il doit partir, je ne sais pas, par où il passe, il doit voler. Enfin, on va regarder ça avec attention. Voilà, baguette magique. À tout à l'heure, à Marie. À l'heure. Bien, c'est en direct, c'est RTL, c'est la radio qui règle vos problèmes chaque matin avec le sourire. On a fait un point info tout à l'heure, nous n'y revenons pas. Sur Salima, nous allons lancer les appels. Bernard est déjà, puisqu'en fait, pour Salima, qui est dont la maison a été brûlée, les photos sont sur Facebook, je vous le rappelle. Aujourd'hui, elle a été logée 3 jours, mais la maison est carbonisée, vous verrez. Donc, il y aura certainement des semaines et des mois de travaux. Donc, elle doit être relogée. Elle veut juste savoir si l'assurance va prendre en charge l'appartement que la mairie met à sa disposition. L'appartement de la mairie vaut combien ? Alors, je crois environ 2000 euros. Donc, elle veut s'assurer que l'assurance va bien indemniser, lui rembourser ce loyer. Et c'est une question évidemment primordiale. Elle se demande également si le crédit va être pris en charge? Alors ça, je lui réponds non. Le crédit, il va être, elle l'aurait payé quoi qu'il arrive. Il faut qu'elle continue à le payer parce que ça lui permet d'acquérir une maison qui, là, va être réparée, va être reconstruite. Parce que effectivement, voilà, le loyer du relogement est payé, elle peut continuer à payer son crédit. Ce qu'elle ne peut pas, c'est payer deux en même temps. Évidemment, un loyer et un crédit. Évidemment. Bon. Alors, c'est ça que nous sommes en train de demander. Bernard, de votre côté, Swiss Life. Je suis un petit peu inquiet, Julien. Je vous le cache pas. Pour les deux lignes directes que j'ai des personnes qui sont censées connaître ce dossier ne répondent pas et on peut même pas laisser de message pour l'instant. Standard. Ouais, nous faisons ce que font les auditeurs d'RTL chaque matin. Vous passez par le standard. Après le standard, on essaiera le coup du père François, l'assistante du directeur. On a des cartes dans notre jeu et nous devons avancer. Donc Bernard, vous me faites la petite alerte. Bernard qui est en train d'appeler. Écoutez bien, quelle assurance? Hey! Ils sont toujours là, nous les appelons, ils répondent, on trouve toujours une solution avec eux. Vous avez bien fait, Salima, car je rappelle que vous êtes assuré. La Swiss Life, quand t'appelles, ils répondent bien. Oh, la Swiss Life. Voilà, c'est un titre de... des Crusaders. Oui. Salima, on s'occupe de vous. Oui, Hervé? Non, je disais oui. Oui, les Crusaders. C'est bien de dire oui de temps en temps. Pendant ce temps que, bon, en attendant que Bernard donc et la Swiss Life, nous revenons sur les cas qui sont bloqués. Et Sarah n'est pas contente, car rappelez-vous de cette histoire qui nous avait un peu ému. Ce monsieur qui prend l'avion avec son chien qui voyage en soute et à l'escale, il veut prendre des nouvelles de son chien. Et là, on lui dit non, non, ne vous inquiétez pas, remontez dans l'autre avion, on s'occupe de votre chien. Finalement, il va apprendre que le chien est décédé. Donc, il va essayer de comprendre pourquoi le chien est décédé. Impossible d'avoir des explications. Surtout qu'il y a tout un dispositif sanitaire, normalement, et on doit lui donner des documents, Maître Felloneau. Exactement. Il doit avoir un certificat d'écarissage. Vous savez, quand un animal meurt, on ne l'enterre pas dans son jardin. On n'a pas le droit. En France, c'est la même chose. D'ailleurs, les législations sont souvent semblables avec le Maroc. Donc, il y a un vétérinaire qui doit le constater. On doit ensuite... Il a été incinéré. Il doit y avoir une trace de cette incinération et il y a un organisme spécialisé pour ça. Il n'a rien, donc il est en droit de penser aussi « on m'a piqué mon chien ». Il a le droit de le penser, il ne dit pas que c'est le cas, mais il voudrait en savoir un petit peu plus quand même. On m'a dérobé mon chien, pas piqué avec une seringue. Ah non, vous avez raison, piqué au sens volé, vous avez raison. Exactement. Sarah, il y a donc un organisme qui nous avait dit, quand on avait appelé tout le monde, la Royal Air Maroc, etc., un organisme sanitaire ou je ne sais pas lequel, vous avez dit « on va vous donner des nouvelles ». C'est tout à fait ça, Julien, c'est l'ANSA. Il faut savoir que tout importateur d'animal doit être présent lors de l'incinération de son animal et a la possibilité de récupérer les affaires personnelles de son animal. Alors moi, il faut savoir que devant moi, j'ai la preuve que j'ai bien contacté l'ANSA, le service communication, le 30 août, le 31 août, le 12 septembre. J'attendais des réponses, on me les a promis, mais malheureusement, elles ne sont jamais arrivées. Donc, je suis vraiment en colère. Nous ne lâchons rien, nous allons les appeler dans une seconde et nous allons voir si on nous mène en bateau ou pas. Bernard Sabat. Juste un point à préciser, Royal Air Maroc a répondu quand même à notre auditeur en lui proposant justement une indemnisation qu'il devait fixer ou avec un avocat ou mais en direct avec l'avocat justement de Royal Air Maroc. Alors, on en est où sur cette indemnisation? Alors, c'est en cours pour l'instant, mais ça ne convient pas alors, à Émilien. Qu'est-ce qu'il lui propose? On ne sait pas? On ne sait pas encore, c'est en pleine négociation. Émilien, pour l'instant, ne va pas dans cette direction. Il est là, Emilien ? Il n'est pas là, il est en examen, mais il nous écoute. Il faut savoir qu'il a quand même mis son oreiller, donc il arrive à nous écouter. Bah, s'il peut nous appeler à un moment ou à un autre, Emilien, pour nous dire un petit peu où on en est de l'indemnisation, ça serait bien. Alors, les avocats se parlent entre eux, mais Emilien est très clair. Il veut les affaires personnelles de son animal. Il veut savoir ce qu'il s'est passé. Ouais, c'est pas une question d'argent. Voilà, c'est on est d'accord. Allez, on les appelle dans une seconde, l'organisme. Préparez le numéro, parce que si c'est compliqué avec le Maroc et qu'il y a un petit peu d'attente, autant que l'on épargne ça à nos auditeurs sur l'antenne d'RTL. Ça, c'est un dossier important aussi. Nous devons aller jusqu'au bout des dossiers, car si nous ne le faisons pas, nous ne serions pas crédibles. On ne lâche rien, l'équipe se bat et vous allez en avoir la preuve dans quelques instants sur RTL. Je vous souhaite le plus beau des mardis sur RTL. A tout de suite pour l'appel. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. Chérie, mais t'as une de ces têtes. C'est ton fils qui fait passer nuit ? M'en parle pas. Deux jours qu'il est pas bien, j'ai dû faire venir le médecin. Maintenant, il prend du Mylan comme médicament. Tu veux dire Mylan ? Mais ça, c'est le nom du labo. Ah oui, ça te dit quelque chose ? Bah oui, Mylan, c'est quand même connu comme laboratoire. Tu sais qu'il traite jusqu'à 88% des maladies comme le cancer, le diabète ou l'hypertension. Ça, c'est rassurant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Classification FMRA 2016. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159€ par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ suivi de 36 loyers de 159€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur seat.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, le 9h30-11h sur RTL, nous appelons donc... Comment vous appelez cet organisme, Sarah, s'il vous plaît ? C'est l'ANSA, Julien, l'ANSA. Mais c'est une chanson, ça, Lanza. C'est une chanson ah que bon chantait... Bah, bien sûr, je ne savais pas que Rita Lee, à l'époque, avait fait une chanson sur un organisme sanitaire du Maroc. Oh, Lanza. Ah oui. Vous vous rappelez de ça ? Lanza s'appelle Foumi. Allez, on appelle. Nous sommes conscients que ces blagues ne font rire que nous. Sachez-le, parce que c'est vous, devez être en train de vous dire « Mais ça les fait rire, ça ?» Oui, mais que nous, on le sait. C'est un peu notre récompense pour se battre depuis 17 ans chaque jour. C'est ce qui nous fait aussi tenir. Vous savez, des moments donnés, c'est compliqué pour nous et c'est ces petites parenthèses. Donc nous les appelons l'ANSA. Les lignes de votre correspondance sont momentanément interrompues. Ah, alors votre ça, c'est bien embêtant. Aboutir. Donc c'est un organisme, c'est un organisme d'État, ça c'est quoi exactement ? C'est tout à fait ça, un organisme d'État qui gère l'importation et l'exportation d'animaux sur le territoire. Alors, je vous propose donc d'appeler maintenant hors antenne et vous nous le basculerez si quelqu'un veut bien nous parler, bien l'ambassade sûr du Maroc en France. Vous essayez d'avoir quelqu'un au consul et vous essayez de savoir pourquoi l'ANSA donc, n'a plus de ligne. C'est quand même incroyable cette histoire et on ne laissera pas tomber puisqu'il ne faut pas enterrer une affaire comme ça. On enterrait le chien, ça c'est sûr, mais il veut savoir maintenant pourquoi, comment, dans quelles circonstances et en plus c'est la loi qui l'exige. Il doit être là lors de l'incinération. Et il n'y était pas et vous avez vu que toutes les lignes sont coupées bizarrement parce qu'elles ne l'étaient pas il y a encore combien de temps, Sarah ? Il y a 2-3 jours, elles étaient actives puisque j'ai tenté de rappeler mon contact. Alors, peut-être Marie, retentons une deuxième fois le coup, peut-être qu'il y a eu un problème d'aiguillage, on a nous aussi un matériel tellement élaboré. Je viens de le refaire pendant que vous discutiez. C'est pareil. Et c'est pareil. Donc les lignes sont coupées d'un organisme comme l'ANSA au Maroc, donc maintenant je ne vois que l'ambassade ou le consul, c'est à vous de jouer, Sarah. Ça c'est le premier point. Deuxième point, nous revenons sur le cas de Salima. Où en est-on, Bernard Sabat, Salima dont la maison a brûlé. Salima se retrouve à la rue avec son mari et ses 3 enfants et elle dit « Je veux juste savoir si l'assurance va couvrir l'appartement que la mairie peut mettre à ma disposition, mais avec un loyer de pas loin de 1 000€, hein, on est en région parisienne, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, parce que moi j'ai le crédit à payer de l'autre côté et je ne peux pas payer les deux, c'est juste c'est impossible. Normal. Donc je veux juste savoir où je mets les pieds, parce qu'à la rigueur, c'est presque, parce que à demi-mot je comprends, il vaudrait presque mieux qu'on vive dans la voiture que qu'aller... Ouais. Non, parce qu'elle ne pourra pas payer les deux, c'est impossible. Ça, c'est voilà, c'est juste impossible. Bernard. J'ai eu le standard, Julien, j'ai demandé évidemment de parler ou à l'assistante ou carrément au PDG, Patrick Frost. On m'a mis en attente, écoutez cette jolie musique qui va vous plaire. Ça vous attendait depuis quelques minutes. Bon, on va voir la Swiss Life dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Je vous propose dans une seconde, mesdames et messieurs, de revenir sur un nouveau cas pendant que vous nous appelez au 3210, pendant que vous faites le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Voilà ce que va nous dire Marion sur RTL. On paye des assurances pour ça et quand on subit une inondation, il n'y a plus personne. Ou alors, on fait tout pour gagner du temps. Aujourd'hui, je ne peux plus habiter chez moi et personne ne me bouge. Et ça sera dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Le temps d'écouter un titre de 2016, c'est Lost on You. C'est une nouveauté, c'est une jeune artiste américaine numéro 1 des ventes en France avec Lost on You LP. Et sur RTL, vous écoutez le 9h30-11h. Merci d'être là. Plainer, saner, will you remember all the danger came from. Burning like embers falling tender, long for the days of no surrender years ago. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Provincial que je suis, j'annonce que c'était LP, mais certains peut-être diront c'était LP, puisque maintenant, vous savez, on ne sait plus quand c'est français. J'ai assisté l'autre jour à une réunion, je vous assure, et j'ai voulu prendre des notes, mais j'avais peur de que les gens me voient en train de prendre des notes, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole, et qui a dit et qui a expliqué à tout le monde, comme on est en B2B, notre line-up doit être sur un streaming où il peut y avoir du revenge accord entre le feeling back qu'on peut avoir avec le Customer Premium. Et ce n'était que ça. Et à un moment donné, donc je regardais tout le monde, et les gens comprenaient. C'est ça qui m'inquiétait, parce que moi, je ne comprenais pas, mais tout le monde avait l'air de comprendre ce qui se passait, sauf moi. Et là, je me suis dit, tu es quand même un sacré plouc courbé. Nous aurons Marion dans une seconde, mais il y a une petite avancée, peut-être, sur un autre cas, Hervé Pouchol. La fille de Guy a été reconnue handicapée à 80%. C'était le premier cas de ce matin. Elle devait percevoir 3700 euros. Nous sommes en contact, je vous l'avais promis, avec plusieurs dirigeants du groupe Humanis. Et normalement, si tout va bien, on aura d'ici une vingtaine de minutes le directeur de la com qui va nous annoncer une nouvelle. J'espère. Alors, je ne sais pas laquelle. On verra bien. En tout cas, suspense. Et Marion arrive sur l'antenne d'RTL pour son cas dans quelques instants. Les photos de ce cas sont sur Facebook, sur la page Ça peut vous arriver. Je vous rappelle que jeudi, écoutez-moi bien, jeudi, vous gagnez 5 nuits pour 2 personnes à l'hôtel 5 étoiles Sofitel Mauritius, l'Impérial Resort et Spa, et vous partirez avec Corsair. Donc jeudi, entre 9h30 et 11h, je vous envoie à l'île Maurice. Pas beau ça? Allez, à tout de suite pour le cas de Marion sur RTL dans le 9h30-11h. Belle matinée à vous tous. Affligem cuvée blonde. D'abord, contempler les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourer le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Les Vérandas Rénoval vous offrent une isolation thermique et acoustique exceptionnelle. Agrandissez votre maison avec une Véranda Rénoval, où plaisir et confort sont votre priorité. Du 19 septembre au 8 octobre, jusqu'à 3000 euros offerts sur les 100 premières vérandas, chez Rénoval ou sur Rénoval.com. Rénoval, la véranda attitude. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman en fait qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc les plats déjà sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation. Waouh, pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bien, mesdames et messieurs, on enchaîne tout de suite avec le cas de Marion. Marion qui est en ligne avec moi. Marion, bonjour. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL. Marion, Marion, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Valbert, dans l'Aube. Vous n'auriez pas un vieux haut-parleur qui traîne ? Si, je peux le couper. Oh, Marion. Ah, bravo, Marion. Marion, dites la vérité aux auditeurs. Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il faut couper le haut-parleur ? Non, personne. Voilà Marie. Marie, ça assure, je dis personne ne me l'a dit. Donc je comprends mieux maintenant. Vous lui avez dit Marie ou pas ? Évidemment que je lui ai dit. Bon, l'une des deux. Je l'ai pas entendu, alors excusez-moi. Mais c'est vous qui avez raison. Ah, alors ? Début mai dernier, vous avez été victime d'une inondation dans votre ville, intervention des pompiers. Donc c'est pas une inondation que chez vous, hein. Ça, toute la rue, je suppose, a été inondée. Voilà, tout le bas du village, en fait. Tout le bas du village. Intervention des pompiers, évacuation d'urgence. Un expert fait un premier constat. Malheureusement, un deuxième orage, fin du même mois, provoque de nouvelles inondations, alors que les premiers dégâts, je suppose, n'avaient pas été réparés. Non, pas du tout. Seconde déclaration à l'assurance, et à nouveau, l'expert vient constater. Les réparations commencent, mais une importante mésentente s'installe avec l'expert. Ce dernier, on va être très clair, vous accuse. Alors, moi, j'étais pas là quand il vous a accusé, mais il vous accuse de quoi, l'expert ? Alors en fait, il y a plusieurs dégâts qu'il ne veut pas prendre en charge, comme les doublages de ma cuisine qui pourrissent sur pied, parce que c'était du doublage aggloméré. Oui. Il nous accuse d'avoir arrosé avec notre robinet dévié, donc 3 murs sur les 4. Alors attendez, il vous dit que si c'est inondé, c'est parce que vous avez arrosé vous-même avec l'eau du robinet. Je vous coupe une seconde, Marion, car il y a une alerte, c'est toujours priorité au cas précédent. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, Sarah ? Julien, pour le cas d'Emilien et de son chien Gabi qui est décédé dans une soute d'avion, nous avons quelqu'un de l'ANSA en ligne, Julien. Il faut le prendre tout de suite, alors. Et je reviens vers vous, Marion. Bonjour, monsieur de l'ANSA. Voilà, il était, il n'y est plus. C'était pas une blague, j'espère. Je le rappelle. Non, c'était pas une blague, alors, je le rappelle. Écoutez, Julien, si vous l'avez, prenez-le et avancez avec lui, comme ça, parce que souvent, quand on leur dit on vous passe sur l'antenne, les gens paniquent et raccrochent. Il vaut mieux avancer un petit peu. Marion, je reviens vers vous. Donc, Marion, une première inondation, une deuxième inondation. L'expert vient, c'est normal. Et il vous accuse, parce que je veux bien entendre et être sûr, d'avoir arrosé vous-même une partie de la cuisine pour être remboursé. Non, alors en fait c'est parce que j'ai un défaut d'étanchéité au niveau de mon évier dans la cuisine, donc ça je lui ai dit que j'étais d'accord avec lui, donc derrière l'évier il est possible qu'il y ait eu un peu de détérioration de manière précédente aux inondations, mais le reste des murs il estime que c'est moi aussi qui les ai détériorés, sûrement avec le reste de mon évier, mais bon, 3 murs sur 4, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Il y a ça, il y a la porte qui s'est fissurée, la porte d'entrée qui s'est fissurée en bas. Donc là, on nous dit qu'on a dû mettre quelque chose en dessous et qu'on a forcé la porte et qu'on l'a cassée. Et alors, je précise aux auditeurs que fin août, l'escalier s'est effondré. Des bruits de craquements menaçants se font entendre dans la maison. Les pompiers sont venus récupérer le bébé à l'étage. Hein ? Comment l'ont-ils descendu d'ailleurs ? Par la nacelle, ils ne l'ont pas envoyé quand même. Alors, ils ont sécurisé en fait la partie d'escalier qui s'était effondrée. Ils ont vérifié que tu pouvais passer dessus et puis ils sont montés à l'étage pour aller récupérer mon bébé et puis ils nous ont dit qu'on pouvait grimpouiller gentiment dessus en attendant qu'il soit déposé. Sur le bébé ? Ah non, pardon, sur l'étage. Non, sur l'escalier. Attention à ce qu'on dit, Marion. Hein. Bon, donc voilà, l'assurance est à nouveau alertée. Alors j'en arrive maintenant, Marion, à quel est votre objectif aujourd'hui ? Où en êtes-vous ? Qu'attendez-vous de l'émission de radio, s'il vous plaît, sur RTL ? Ben moi, je voudrais qu'on m'aide pour que le dossier avance parce qu'aujourd'hui, on est bloqué. Il n'y a pas de rapport d'expert qui a été rendu. Il n'y a rien qui est fait. D'accord. Et on devait avoir quelqu'un qui passe jeudi et se faire accompagner par un expert envoyé par mon assistant juridique. Sauf que comme ils ont trouvé personne, bah, le rendez-vous est repoussé. Moi, je suis asthmatique. Je rencontre des gros problèmes de santé dans la maison liés aux laines de verre qui sont à nuit. Bien sûr. Et il n'y a personne qui bouge du tout, quoi. Bon, vous avez quand même perçu ce week-end 14 000 euros, mais on est très, très, très, très loin du compte, vu les photos que l'on a, je le rappelle, sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Trouvez une solution d'urgence, car vous n'êtes même pas relogé aujourd'hui. Donc, il faut appeler l'assurance. Elle veut savoir... Voilà. Pardon ? Voilà, nous, on n'est pas relogé. Bon, par contre, on ne peut pas quitter la maison parce qu'on a des animaux... Non, mais j'ai bien compris. Vous n'êtes pas relogé. Vous cherchez... Vous n'êtes même pas relogé. C'est bien ce que... Oui, c'est ce que je vais te dire. Vous voulez savoir où vous en êtes dans ce dossier. C'est un peu comme le premier dossier qu'on a fait tout à l'heure. On a envie, de la part de l'assurance, que les choses soient claires, que les gens vous disent « Vous allez toucher à tel moment. Il faut que vous trouviez un appartement. Si vous trouvez un appartement, on vous donnera ça. » Savoir où on met les pieds, parce que là, on se retrouve dans des appartements inondés, brûlés, et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, Marion, elle a un problème supplémentaire, c'est qu'elle a des animaux. Elle ne peut pas quitter ce logement-là. Donc, elle essaye de faire avec les moyens du bord. Il faut savoir quand même que cette dispute avec le premier expert a été lourde de conséquences, puisque cet escalier qui s'effondre, qu'il n'a pas voulu voir ou qu'il n'a pas voulu sécuriser ou qu'il n'a pas voulu indemniser, fait que l'assurance a dégommé son expert, en a renommé un autre en disant « on va repartir à zéro ». Et là, elle doit prendre un expert de son côté. Et en fait, on n'arrive pas à le lui nommer. Et il faut qu'elle ait son propre expert pour qu'il y ait un rendez-vous contradictoire et qu'enfin, une bonne fois pour toutes, on se mette d'accord. Allez, on appelle l'assurance et on fera un petit point aussi sur le cas tout à l'heure de notre auditrice dont la maison a brûlé parce qu'on essaie d'avancer avec Swiss Life. Toujours pas de nouvelles, Bernard, du côté de Swiss Life. Vous avez quelqu'un, vous, sur le cas de Salima, c'est sa maison qui a été incendiée. Elle veut savoir si on va lui payer le relogement. Alors écoutez, je suis avec un cadre dirigeant de Swiss Life. Il n'arrive pas à trouver les références de Salima. Ah bon ? Est-ce que son contrat est bien à son nom ? Alors il faut lui demander tout ça, voilà, Salima. C'est pour okay. ça qu'on cherche. Allez-y. Vous voulez le numéro ? Alors attendez, Salima, on s'occupe de ça en antenne. Pour Marion, eh bien, nous allons lancer l'appel à l'assurance dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Vous l'avez compris aujourd'hui, mais c'est un peu le hasard. Il y a comme une thématique d'indemnisation de maison qui a brûlé, de maison qui a été inondée. Donc profitez-en. 3210, le standard est ouvert. Ou bien le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et comme le salon du tourisme démarre aujourd'hui, si vous avez vécu un voyage cauchemardesque, on peut envoyer Bernard Sabat en duplex pour essayer d'obtenir l'indemnisation. Mais alors faites très vite, 3210 ou bien Facebook page, ça peut vous arriver, voyage catastrophe. Qui m'a lancé une alerte ? C'est vous, Sarah. Que se passe-t-il ? Il se passe que j'ai finalement quelqu'un à l'antenne pour le dossier d'Emilien. Je dois marquer une pause et je vous retrouve dans une seconde, si vous pouvez la faire patienter. Bien c'est sûr. Top. Alors là, on entre dans le Money Time, mesdames et messieurs. On entre dans le Money Time avec le cas de Marion. On entre dans le Money Time avec le cas tout à l'heure de l'auditrice dont la maison a brûlé, Salima. On entre dans le Money Time avec ce chien dont on ignore maintenant comment il est mort et ce qu'il est devenu. Ça va se jouer maintenant. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. Vous savez, le problème de sécheresse intime dont personne ne veut entendre parler. Mais si, celui qui entraîne des sensations d'inconfort et des douleurs au moment des rapports sexuels. Vous voyez ? Oui ? Eh bien ce problème, il a maintenant des solutions. Intimae Féminité Intime. La solution par voie orale à base de lactobacilles et aux vitamines B2, B3, B8 qui contribuent au maintien normal des muqueuses. Adaptée à toutes les femmes sans aucune source d'hormones. Intimae des laboratoires NutriSanté. En pharmacie, Intimae. Pour votre santé, évitez de grignoter. Quand on est propriétaire de fenêtres, on cherche le meilleur prestataire de fenêtres. Et on trouve son bonheur sur terre de fenêtres. Prix fabricant, garantie 20 ans, pose certifiée. Pour ses portes, fenêtres, volets ou portails, forcément, on choisit la qualité Terre de Fenêtre. Terre de Fenêtre, le choix qui va de soi. Difficile de choisir le bon pneu ? Le pneu Michelin Cross Climate s'adapte à toutes les conditions. Hiver comme été, avec le pneu Michelin Cross Climate, vous êtes en sécurité toute l'année. Commandez et faites monter vos pneus Michelin Cross Climate sur allopneu.com. chez allopneus.com, nous avons un large choix de pneus. Toutes les grandes marques pour tous les véhicules. Et ce choix, vous y avez accès 24 heures sur 24 sur allopneus.com. Jusqu'au 27 septembre, achetez 4 pneus Michelin Cross Climate et bénéficiez du montage offert. La sécurité par tous les temps avec Michelin. Conditions sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Le mois Carrefour. Oh Franck, t'as vu ? Pendant le mois Carrefour, les promos incroyables continuent. Je sais, et aujourd'hui par exemple, pour l'achat d'une bouteille de Scotch Whisky Sir Edwards, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Ah bah une offre comme ça ne se refuse pas. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience incroyable. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Bouteille d'un litre dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune perte d'espace. Dès qu'on passe la porte, on arrive dans ce volume parfaitement pensé. Ah ouais, c'est super bien agencé. Et extrêmement modulable. Oh là là, c'est un coup de cœur. Et le prix ? Écoutez, il vient juste de baisser. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la TVA est offerte sur toute la gamme Note. Remise 16,67% sur prix au 1er septembre, valable jusqu'au 30 septembre sur Nissan Note 9, dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires participants. Nissan, innover autrement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors nous avons eu une alerte juste avant, je crois, la pause avec vous, Sarah, sur le cas de ce monsieur dont le chien qui était en avion, en soute, à une escale, il va prendre de ses nouvelles. On lui dit le chien est décédé, il dit qui, quoi, pourquoi, comment, aucune nouvelle. Et on lui dit mais il est où mon chien, où est le corps de mon chien? Oui mais laissez tomber, on peut pas vous en dire plus. Or, il est bien spécifié, et c'est le cas en France comme au Maroc, que le propriétaire, lors de l'incinération, doit être présent, il veut récupérer les effets personnels du chien, etc. Bref, il a envie de savoir si le chien, finalement, quelqu'un ne l'a pas pris, tout simplement, s'il est vraiment décédé. Le voir. Et là, impossible. Donc, nous sommes passés par le service sanitaire du Maroc, qui devait nous rappeler, ne nous ont pas rappelé. Là, vous les aviez en ligne, Sarah. Eh oui, et je m'exprime rarement comme ça, mais là, clairement, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Là, je suis vraiment dégoûtée. J'ai appelé les deux contacts que j'avais, justement, qui devaient revenir vers moi. Les deux contacts, j'ai essayé de vous les passer, ils me raccrochent au nez. Donc, je leur demande simplement, hors antenne, de répondre à certaines questions, comme pourquoi il n'était pas présent pour l'incinération. Enfin, c'est quand même pas sorcier de me répondre et on me raccroche au nez. Donc, je vais écouter votre conseil. J'appelle l'ambassade. D'accord. Mais Bernard, moi, je veux bien que Royal Air Maroc propose après une indemnisation ou pas et qu'elle soit tenue secrète, peu importe. Mais ils ont quand même un devoir de nous expliquer ce qui s'est passé puisque le chien est mort, s'il est mort, dans leur avion. Donc, il faudrait qu'ils nous donnent un petit coup de main pour arriver à donner au client qui a payé pour que le chien soit transporté. Là, on sait pas où il est passé, le chien. Alors, on nous envoie vers un service sanitaire qui a rien à voir avec un Royal Air Maroc, mais eux, ils doivent bien essayer d'aider quand même le client. Alors, pour rester le plus objectif dans cette affaire, aujourd'hui, on avait demandé, lorsque j'ai fait un duplex à Royal Air Maroc, d'avoir un document officiel de la mort de ce chien. Ils l'ont fourni officiellement avec un papier que Maître Felonneau peut confirmer. Tout ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont dit, messieurs, dames, s'il vous plaît, comme ça se passe entre deux parties, que les avocats se parlent et on va voir ce que l'on doit faire. Il suffira tout simplement que l'avocat de Emilien fasse la démarche de demander les documents. Ils ne le feront pas eux, en dehors de cette démarche. Ils ont remis le chien au service sanitaire et c'est maintenant le service sanitaire qui fait de la rétention d'informations. Voilà, exactement. Mais en fait, je vais vous dire, c'est quand même la compagnie qui doit répondre parce qu'il ressort de ses certificats de décès de l'animal qu'il est mort par asphyxie respiratoire. Et donc, comment expliquer que ce chien, même si c'est une race qui effectivement peut avoir ce genre de soucis, on le sait, comment est-ce qu'il est mort ? Soit on a mis une couverture sur la cage, il n'a pas pu respirer, soit la dépressurisation dans ce local-là de la soute n'était pas branchée. Et c'est ça qu'on leur demande de vérifier. Et on n'arrive pas à avoir ce renseignement-là. Et c'est On leur demande de vérifier aussi où est passé le chien, à qui ils l'ont remis, qu'il nous donne un nom, qu'on puisse avancer. Voilà. Et autre chose, où sont les affaires de ce chien qui devait être remis au propriétaire? Dans la cage, justement. Voilà. Donc, nous continuons à alerter nos amis du Maroc et notamment l'ENSA. Il nous faut répondre et vous allez essayer d'avoir maintenant l'ambassade pour avancer, pour qu'il nous aide. Je lâche rien, Julien. Qui a lancé une alerte, s'il vous plaît? C'est vous, Bernard. Sur quel dossier? Sur le dossier de Salima. Ils sont à maison qui a brûlé avec Swiss Life. J'ai eu une longue conversation avec un des superviseurs qui m'a promis avant 11h, parce qu'ils ont retrouvé, en fait, quand les informations, on avait fait une petite erreur d'orthographe, Julien. On cherchait Salima Mosteza et c'était Salima Mostefa. Maintenant, les choses sont un petit peu plus claires. Nous allons maintenant continuer le cas de Marion. Rappelez-vous ce que nous a dit Marion sur l'antenne d'RTL dans le 9h30-11h. On paye des assurances pour ça et quand on subit une inondation, il n'y a plus personne. Ou alors on fait tout pour gagner du temps. Aujourd'hui, je ne peux plus habiter chez moi et personne ne bouge. La maison a été inondée, ça s'est très mal passé avec le premier expert. On attend un deuxième expert, on lui demande d'en chercher un, ça n'avance pas. Elle est obligée de rester dans sa maison qui a été inondée, elle a de l'asthme malheureusement et elle a des animaux, elle ne peut pas partir, elle veut juste savoir est-ce que oui ou non je vais être indemnisé, comment je peux vite démarrer les travaux. Je n'ai aucune nouvelle, donc nous allons lancer les appels et nous repartons à l'assurance de sa ville, ou en tout cas à côté, au départ, on va faire en remontant les échelons. Donc nous sommes à Troyes, là, si tout va bien. C'est là, Marion, que vous êtes assurée à Troyes. Oui, voilà, je suis assurée au Crédit Agricole, donc Facilita, c'est des plateformes. Donc, d'accord. En l'occurrence, c'est Troyes. On a vraiment pour tous les numéros de contrat. Pour information sur l'assurance ou déclarer un sinistre à la compagnie d'assurance Pacifica, tapez 1. Pour un crédit consommation, tapez 2. Pour passer un ordre de bourse ou avoir des informations boursières, tapez 3. En cas d'urgence, car vous avez perdu vos moyens de paiement ou besoin mais ça n'a rien à voir avec l'assurance, ça c'est de la banque. En ligne. Connaître le solde ou les dernières opérations sur votre groupe compte. Julien. Oui. Tapez 4. Bon, on va mettre urgence, mais c'est le numéro que vous faites, Marion. C'est celui que vous nous avez donné à Troyes, celui de la banque. Alors, moi, j'avais aussi donné le numéro de la personne en charge de mon dossier, Madame Marie-Pierre Georgel. D'accord. Alors, faites le deuxième numéro, effectivement. Mais moi, je voulais passer par l'agence. Mais vous voyez, ça, c'est aussi... Bon, on est sur une banque qui fait de l'assurance, puisque maintenant, le principe est de dire, quand on a un client, essayons de voir tout ce qu'on peut lui vendre une fois qu'il est là. Donc, s'il est là pour la banque, on doit pouvoir... Non, mais c'est vrai. On doit pouvoir lui placer... L'argent pourrait tourner dans la même lessiveuse. Bien sûr. On peut lui placer de l'assurance et bientôt, qui sait, s'il n'y aura pas un rayon sandwich dans une banque... Ah, ils nous vendent des alarmes. Bien pour sûr, le vol, il y a des alarmes aussi. Ils nous vendent des tas de choses. Ben oui, parce que le principe est simple. On a un client qui est dans un local, on le garde. Marie-Pierre, bonjour. Oui, bonjour Marie-Pierre Georgel. Oui, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec Marion Lepage à Vallières qui va vous dire bonjour. Oui, bonjour. Madame Georgel. Oui, je vous écoute. Alors, je vous explique. Marion est un peu paniquée. Vous savez que sa maison a été inondée plusieurs fois et elle voulait demander exactement, Marion, à cette dame ce que vous souhaitez savoir pour qu'elle puisse vous aider puisque c'est son métier. Elle le fait bien. Allez-y, Marion. Voilà, moi, il y a le rendez-vous avec l'expert qui a été pris pour jeudi, là, le 22. Et on m'a dit que j'allais me faire accompagner donc par un expert mandaté par Pacifica, mon assistant juridique. Voilà, oui. Sauf que vendredi, on m'a rappelé en me disant qu'il n'y avait personne sous la main, donc qu'on annulait les rendez-vous et qu'on en reprendrait un ultérieurement. Mais qui vous on a contacté? Mes collègues de la protection juridique? Oui. Ah oui, parce que nous, c'était fixé au 22, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et vous avez essayé de contacter la protection juridique par rapport à ça, parce que c'est un service complètement à part? Voilà, donc ils m'ont demandé d'essayer de trouver un expert moi-même pour me faire accompagner vu qu'ils n'avaient personne tout. Donc j'ai trouvé personne, j'ai essayé de les rappeler, j'ai réussi à avoir personne. Bah, c'est-à-dire que trouver un expert en deux jours, c'est compliqué quand même, hein. Bah, surtout, oui, puis voilà, quand on prend une assistance juridique, c'est pas pour s'entendre dire vous allez devoir vous trouver un expert vous-même. Oui, c'est ça, après, trouver un expert disponible. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas la main par rapport à ça. On a fait notre maximum pour effectivement envoyer un expert, nous, dans deux jours. Ce serait fort dommage que ce soit reporté. Ben oui, parce que la pauvre, aujourd'hui, elle galère. Alors, comment peut-on faire? Est-ce que vous pouvez lui donner un petit coup de main, madame? Eh bien, moi, je vais joindre mes collègues de la protection juridique et je vais la rappeler, madame Marion Lepage, pas de souci. D'accord. Parce que c'est important que ça ait lieu dans deux jours. Oui, maître Fellonneau. Oui, bonjour, madame. Vous avez accès, vous, à une liste d'experts assurés? Elle pourrait pas J'ai la liste, si vous voulez, des experts IARD, le contrat MH, mais j'ai pas la liste de mes collègues de la protection juridique. Mais on peut, puisqu'elle a le choix, elle pourrait peut-être piquer un des noms dans votre liste. Enfin, vous pourriez le suggérer à vos collègues. Mais par contre, mes collègues de la protection juridique ont forcément cette liste. Hein, donc moi, je vais les contacter. Voilà. Bon. Pour qu'ils la contactent dans la foulée, qu'ils lui donnent cette fameuse liste. D'accord. Enfin, j'espère que c'est Marion, vous vouliez dire. Alors, moi, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai essayé d'appeler des experts qui m'ont été donnés par l'assistant juridique, sauf que c'est des experts d'assurance et ils ne se déplacent pas à la demande des assurés. Ah, c'est la mauvaise liste qu'on vous a donnée. Alors, ce qu'on va faire, Marion, vous avez le numéro, vous, de l'assistance juridique? Oui. Bon, alors, vous allez nous le donner, madame, de votre côté. Essayez à deux, on ne sera pas trop pour avancer pour Marion. Moi, je vais les joindre de mon côté. Et puis, est-ce qu'elle a gardé les coordonnées de son assurance protection juridique? Oui, j'ai du compte. Ouais, hein, pour bien les joindre. Et puis moi, en parallèle, je les joins également pour savoir s'ils ont une solution à trouver. Allez, ça marche. Et on essaie de s'appeler demain pour voir si le dossier a évolué. Merci beaucoup, Madame Georgelle. C'est très sympa à vous. Marion, vous donnez tout de suite à Marie, s'il vous plaît, le numéro de votre assistance juridique, parce que c'est pas normal. On cotise pour ça qu'on vous dise trouvez-en à vous-même. On n'arrive pas à en trouver. C'est incompréhensible. Comme si vous alliez dans une station d'essence. Bah, écoutez, creusez un puits vous-même, trouvez votre pétrole, monsieur, parce que là, on n'arrive plus à vous servir. Enfin, c'est mon exemple est tellement couillon que je vais l'oublier. Mais c'était pour bien imager le propos. On va sur un petit point info. C'est le Money Time. Ça part dans tous les sens. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il est 11h20. Ça se passe comme ça tous les matins. On vous aide. Les cas sont graves, pas graves. Peu importe. On se bat pour vous. C'est ça, RTL. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman, en fait, qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc, les plats, déjà, sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Ça y est, chérie, je suis passé chez le médecin, à la pharmacie. J'ai récupéré du Mylan comme médicament. Mylan, Robert, ça se dit Mylan. Ah oui, alors évidemment, toi, tu connais ça par cœur. Mais oui, t'aurais pu demander à la pharmacie, c'est connu comme laboratoire. Tu sais que Mylan s'engage à choisir des excipients qui réduisent au maximum les risques d'intolérance. Et pour toi, ça peut être important. Eh ben non, je savais pas. Ben maintenant, je le sais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akhéna, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhéna règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhéna s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhéna? Chez vous, bien sûr. Akhéna, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhéna. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akhéna, la reine des vérandas. Daniel, je vous ai apporté un Haut-Médoc Château-Laborde 2014. Oh, vous êtes allé à la foire au vin chez U. Comment vous avez dîné? Eh ben, la collerette violette. Ah. C'est le signe que c'est un bon cru. Déniché par le club des vins et terroirs et au meilleur prix, combien? Bah, Daniel, c'est un cadeau. Alors, bah, dites-le au moins pour les auditeurs. Je me bouche les oreilles, promis, allez. Hop. 7,50€ et 75 centilitres seulement. Daniel! Oh, j'ai rien entendu. C'est jusqu'au 1er octobre. Pour les magasins U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Une alerte pour qui? C'est vous, Marie? Dites-moi, nous sommes sur RTL en direct. Je suis avec la protection juridique Pacifica pour le cas de Marion et l'inondation, Julien. Juste, bon, le monsieur est en train de regarder le dossier. Il faut savoir qu'il y a donc une expertise dans 2 jours et qu'il aurait laissé un message hier sur le répondeur de Marion. Alors Marion, avez-vous eu un message hier sur votre répondeur? Alors, j'ai vu que la personne avait essayé de m'appeler, mais j'avais pas de message. Ah, alors, peut-être que cette personne a trouvé un expert, il est en train de vérifier, il vous a laissé un message, mais est-ce qu'il a dit qu'il vous l'avait laissé un message parce qu'il avait trouvé un expert? Il ne sait pas, vous n'avez pas plus de précision. Il aurait laissé un message, il est reparti, là, il m'a mis en attente, il est parti chercher toutes les informations sur le dossier, il va prendre l'antenne dans quelques instants. Bon, c'est des bonnes nouvelles, je l'espère, Marion, ne vous inquiétez pas, on ne lâche rien. Point info, 10h42, nous sommes dans le Money Time sur RTL dans le 9h30, 11h. Sur tous les cas, c'est la Minute Info. La Minute Info, la fille de Guy reconnue handicapée à 80% en 2014, elle devait percevoir 3700 euros et rien ne s'est passé. Donc vendredi, normalement, puisque nous avons eu quelqu'un chez Humanis qui nous a dit, écoutez, on s'en occupe, ne vous inquiétez pas, vendredi on aurait du nouveau. Et Hervé nous a dit tout à l'heure, peut-être qu'on en aura d'ici 11h. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il est toujours au téléphone en train d'avancer sur le dossier, mais on est plutôt optimiste sur ce dossier. Deuxième cas, c'était un cas urgent. Salima, sa maison a pris feu. elle paie un crédit là-dessus. Donc la maison, on ne peut pas y habiter, on sait que c'est long après pour les indemnisations, donc il lui faut un appartement, 3 enfants dont un handicapé. La ville de Bondy fait son job, tout de suite lui trouve un appartement, très très vite, il faut le dire ça, bravo Bondy, mais l'appartement évidemment, il faut le payer, quelque chose comme 1000 euros, et elle dit, moi je ne peux pas payer un crédit pour ma maison qui a brûlé, et donc je veux juste savoir si la Swiss Life va me payer l'appartement et si ça fait partie de mon contrat. Bernard Sabat, ça avance toujours sur la Swiss Life ? Prenez le Julien, micro. Attends, ne coupez pas, madame. Julien, je suis avec la direction de la communication du groupe Swiss Life qui m'a gentiment rappelé sur le portable et qui va me donner quelques explications. Génial. On avance aussi là-dessus. C'est un cas, je le rappelle, prioritaire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait le cas de Émilien et son chien. Donc là, Émilien et son chien, on a l'impression d'être baladés par l'ENSA, cet organisme du Maroc qui nous raccroche au nez, qui doit pourtant nous dire pourquoi le chien était incinéré sans le mettre et où sont les affaires, etc. Donc l'ambassade maintenant, Sarah ? L'ambassade va agir. Je viens d'avoir une charmante personne du service communication à qui j'ai résumé le dossier. Je viens de lui envoyer tous les mails, les questions et les documents envoyés à l'ANSA qui m'a très gentiment raccroché au nez s'il nous écoute. Et normalement, on va avoir un retour dans la journée. Il y a peu de chances quand même qu'il nous écoute au Maroc. Mais qui sait ? Qui sait s'ils ne se sont pas mis sur Internet ? Et Marion, qui a été victime d'une inondation chez elle, c'est la cata puisque même l'escalier s'est effondré. Elle est obligée d'y habiter, elle a des animaux, mais c'est truffé d'humidité suite à 2 inondations dans le village. Elle a de l'asthme, elle n'en peut plus, elle veut que ça avance. La protection juridique va nous parler dans quelques instants, Marie. Oui, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Quand le monsieur de la protection juridique a répondu, je lui ai donné le nom de Marion et il a fait aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est vrai ? Non, c'est vrai, il a fait ça. Oh là là. Une alerte, Hervé Pouchol, dans le Money Time sur RTL. Que se passe-t-il ? Eh bien, écoutez, je vous avais promis le directeur de la communication d'Humanis, David Chenu. C'est à propos, bien entendu, de la fille de Guy qui a été reconnue handicapée à 80%. Elle devait percevoir 3 700 euros. Le directeur de la communication est en ligne, Julien. Et il y a une deuxième alerte, on la prendra dans quelques instants. Bonjour, monsieur Dumanis. Est-ce que Guy peut être rappelé, s'il vous plaît, pour l'avoir sur l'antenne ? Bonjour, monsieur Dumanis. Oui, bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Donc voilà, alors, nous avons remonté pour le retard de Guy. Le dossier en urgence. Nous allons rappeler monsieur Guépard très rapidement aujourd'hui. Et donc, Humanis s'engage à résoudre ce dossier et à verser des indemnisations très rapidement. Eh bien, bravo Humanis. Je ne sais pas si Guy est sur l'antenne d'RTL. On essaie de le joindre. Voilà, je pense qu'il y a eu un petit problème. Et je sais ce que c'est. Il y a beaucoup de dossiers. Des fois, ça peut bugger. J'ai Guy qui est en ligne, je crois, bien sûr. Guy, vous êtes en ligne avec nous ? Non ? On est en train d'appeler. Bon, en tout cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Vous pensez que c'est fait sous combien, ça ? Sous une petite dizaine ? Pardon ? Sous une petite dizaine ? On fait au plus vite. Mais voilà, si ça peut être avant, Humanis fera en sorte que les choses et le dossier soient réglés avant. Guy, vous êtes en ligne ? Oui, tout à fait. Un responsable d'Humanis est en train de nous dire, le directeur de la communication, que votre problème va être réglé dans les jours qui viennent. Oh, bah ça c'est gentil alors. Eh ben je vous en prie, passez une bonne journée, Guy. Merci de nous avoir fait confiance et bravo à Humanis pour cette réactivité. Vraiment, c'est rare que ça aille aussi vite. Vous êtes des pros chez Humanis, merci beaucoup. Passez une bonne journée tous les deux. Merci. Voilà, c'est cas-là. Va être résolu pour cette jeune fille reconnue handicapée à 80%. Elle va toucher ce qu'on lui doit, à savoir 3700 euros par mois. Le Money Time, ça part de tous les côtés, vous le savez, dans la dernière demi-heure. Bernard Sabat, sur quoi voulez-vous intervenir ? Alors, je ne vais pas venir tout de suite, malgré le fait que vous m'ayez interpellé, parce qu'il y a une troisième alerte, et elle est plus importante que la mienne. Alors, Marie, c'est une alerte avec la protection juridique, je suppose. Voilà, la protection juridique qui me dit être tenue au secret. Il veut juste parler à notre auditrice, donc je la mets en ligne avec Marion et vous-même, Julien. Alors, monsieur, bonjour, soyez le bienvenu. Je sais que vous êtes tenu au secret professionnel. Alors déjà, pour vous mettre à l'aise, Marion, m'entendez-vous ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous acceptez que ce monsieur parle de votre dossier sur l'antenne d'RTL ? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut tout dire, absolument tout ? Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc monsieur, si vous le souhaitez, vous pouvez tout dire. Votre cliente vous le permet. Oui, bonjour Mme Lepage. Bonjour. Je vous ai laissé un message hier pour vous demander de revenir vers moi afin de pouvoir mettre en place une expertise, tout simplement. Ben, j'ai pas eu le message et j'ai essayé de vous rappeler plusieurs fois dans la soirée, j'ai jamais réussi à vous joindre. Simplement, monsieur, est-ce qu'il... Voilà, on a eu l'assurance qui dit, nous, on envoie un expert dans 2 jours. L'assurance habitation. L'assurance habitation, est-ce que vous avez trouvé un expert qui puisse y aller dans 2 jours ? Alors, l'expertise a bel et bien lieu, en effet, le 22 octobre, le 22 septembre, pardon. Donc, dans 2 jours, j'ai Madame Lepage jeudi, il me semble, ou vendredi, à confirmer, je regarde, alors, le 15 septembre. Ouais. Et il était convenu quand même, le page me recontacte pour me dire si oui ou non elle avait un expert disponible de son côté, puisque nous, nous en avions un, mais qui n'était pas disponible pour le. Justement, c'est là où, monsieur, on aimerait que la protection juridique pour laquelle paie Barion puisse intervenir et l'aider, parce que sinon, ça ne sert à rien. Maître Fellonneau. Oui, bonjour, monsieur. Je sais qu'on essaye de mettre tous les moyens en œuvre, y compris le système D, pour essayer d'honorer cette expertise du 22. Mais là, pour elle, chercher et trouver un expert, c'est mission impossible. On a pris contact avec l'assurance habitation qui, en fait, va vous téléphoner. Peut-être regarder dans sa liste d'experts d'assurés IARD si jamais il y aurait un nom qui, avec un expert qui pourrait se présenter. Je pense quand même que ça doit se faire. Vous avez, vous, quand même des interlocuteurs nombreux autour de vous. Et elle ne peut pas. Ça, je vous assure. Bon. Vous essayez de voir comment vous pouvez faire pour en trouver un d'ici deux jours, monsieur. Et peut-être voir avec l'assurance elle-même qui en a de son côté. Alors, l'assurance en a deux. Oui. Il y en a un qui est déjà utilisé par l'assurance adverse, oui. Par Pacific Habitation. Au niveau de la protection juridique, on en a un qui est disponible, mais pas pour le 22. D'accord. Donc, j'ai proposé à madame. Chez Swiss Life. Un Pacifica. Pardon, excusez-moi, Pacifica. Bon, on va lancer un appel alors. Pacifica n'ayant qu'un seul expert à disposition, si vous êtes expert en France, c'est dans quelle région ? Non. Je n'ai pas dit que nous avions qu'un expert à disposition, nous avons tout un cabinet. Alors, le cabinet Pacifica a des tas d'experts, mais aucun n'est disponible le 22. Donc, si vous êtes disponible le 22, merci d'aider Pacifica pour venir faire une expertise pour Marion. Dans quelle région il faut aller, Marion ? Dans l'Aube, près de Chaourt, pour essayer d'aider Pacifica à trouver un expert pour dans deux jours. On se retrouve dans une seconde. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe ? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Heudebert à 2,86€ le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94€ le kilo. Cathy ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Heudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Heudebert 2,37€ les 830 grammes. Biscottes Lidl 1,55€ les 800 grammes. Pour votre santé, bougez plus. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi ? Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein ? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Volet, portail, comme il faut. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Dépêchez-vous, ça commence ! Les 6 jours grande marque chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 €, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Allopneu.com. Difficile de choisir le bon pneu ? Le pneu Michelin Cross Climate s'adapte à toutes les conditions. Hiver comme été, avec le pneu Michelin Cross Climate, vous êtes en sécurité toute l'année. Commandez, faites monter vos pneus Michelin Cross Climate sur allopneu.com. Chez allopneu.com, nous avons en permanence plus de 600 000 pneus en stock, et forcément le vôtre. Jusqu'au 27 septembre, achetez 4 pneus Michelin Cross Climate et bénéficiez du montage offert. La sécurité par tous les temps avec Michelin. Conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il faut un expert pour Marion, pour cette contre-expertise. L'assurance envoie un expert, la protection juridique doit en envoyer un, mais c'est un peu compliqué parce qu'apparemment ils sont tous pris le 22. Hervé Pouchol. Bon, écoutez, le 22 c'est un peu compliqué, mais bon, que ce soit le 22 ou le 23, on n'est plus un jour près. Ce monsieur va faire son maximum pour trouver un expert. Soit le 22, peut-être le 23. Oh non, mais le 23, il faut du coup que l'autre expert soit disponible le 23. Là, alors, rendez-vous était là, il fait son maximum. D'accord. Pour le 22. Et nous, on va lancer un appel encore une fois. Si vous êtes expert le 22, on a peut-être aussi beaucoup de contacts avec avec toutes les assurances. Peut-être qu'une autre assurance peut nous fournir un expert. Donc on appelle tout le monde cet après-midi pour essayer d'aider monsieur à trouver un expert le 22. Marion, je vous donne des nouvelles dans l'après-midi avec Sarah. D'accord. D'accord, merci monsieur. En tout cas, essayons opération expert le 22 puisque c'est le rendez-vous qui a été prévu. Ça serait bête de le repousser. Mais non, si l'autre expert peut le 23 et qu'on en trouve à le 23, Marion, on fera ça le 23, bien sûr. Merci à tous les deux du nouveau de ce dossier. Sur ce dossier, demain matin, dès 9h30. Bernard, de votre côté. C'est le cas de Salima. Vous savez, sa maison qui a brûlé avec Swiss Life. J'ai eu enfin quelqu'un de la communication, Véronique, formidable, qui m'a dit, monsieur Sava, je prends l'engagement avant 13h précisément, de faire appeler Salima. Elle n'ira pas seule à son rendez-vous. On va lui donner des informations concrètes puisqu'elle a rendez-vous avec les services sociaux, comme vous le savez, à la mairie de Bondy. D'accord, pour savoir s'ils peuvent payer l'appartement. Exactement. Là aussi, demain matin, je m'y engage du nouveau sur ce qui s'est passé à ce rendez-vous. Qu'est-ce que ça a bougé ce matin ? On dit merci à toute l'équipe. Ça tombe bien. Le titre s'appelle Merci. Voici Duffy. Merci. J'en profite pour vous rappeler qu'un nouveau One Man démarre à partir de janvier, 100% inédit. J'aurai le plaisir de revenir sur scène pour vous faire rire. On démarrera la tournée de rodage. Vous savez, c'est des toutes petites salles où on est très proches. On démarrera les 13, 14 et 15 janvier à Toulouse, au 3T. On enchaînera à Versailles, 20, 21, 22 janvier, 27, 28 janvier à Moret-sur-Loing, à Lille, les 3 et 4 février au Spotlight. Oui, Hervé, je vous écoute. Oui, on va revenir sur le cas de Marion. Bon, j'ai une discussion un petit peu animée, mais franche avec Marion. Marion, on le rappelle, on a besoin d'un expert impérativement dans deux jours. J'allais vous résumer le cas. Ce monsieur est OK. Il fait son maximum pour trouver un expert pour le 22. Simplement, voilà. Il fait son maximum. Il s'engage. Bon, et on cherche une heure. On cherche de notre côté aussi avec nos collègues des autres assurances. Ils ne peuvent pas nous dépanner. Dans ces cas-là, il faut être tous solidaires. Ça a bougé de tous les côtés. Bravo aux équipes. Mais demain matin, soyez là à 9h30 pour savoir tout ce qui s'est passé. Il y a des réunions qui auront lieu cet après-midi. Vous l'avez entendu. On va avoir du nouveau. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159 euros par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros, suivi de 36 loyers de 159 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur seat.fr. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, 50% de remise immédiate sur le lot de deux packs de 38 tablettes lave-vaisselle Sun Expert Ultimate. Génial! C'est exactement ce que je me suis dit. Du 20 au 24 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le lot de deux packs de 38 tablettes lave-vaisselle Sun Expert Ultimate, variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 6,49€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Si je te dis un coq, une poule et un vin, tu penses à quoi ? La vieille ferme ? Si je te dis rosé, blanc et rouge, tu penses à quoi ? La vieille ferme, bien sûr. Bon, et si je te dis un vin issu d'une région paisible et ensoleillée du sud de la vallée du Rhône depuis plus de 40 ans, tu penses à quoi ? Eh ben, la vieille ferme, peu chère. Retrouvez dès aujourd'hui le coq et la poule de la vieille ferme chez votre caviste. La vieille ferme, le plus français des vins. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Merci d'avoir suivi cette émission. Monsieur Bern, comment ça va ? Oh bah, pleine forme, mon cher Julien. En plus, j'ai Guillaume Gallienne à mes côtés pour parler. Bah oui. C'est quand même un grand c'est moment le film de radio. Événement, ça. Mais on va passer un très bon moment, je sens, ce je matin. Je le sais. Oui. Eh bien, je vous souhaite une bonne émission. Merci. Merci, Julien. Et on regardera le film parce qu'on a vraiment tous envie d'aller le voir. Absolument. Ces années moi de Daniel Thompson, on va en parler dans un instant. Merci à toutes les équipes. N'envoyez pas la musique tout de suite. Il est 34. J'ai même pas remercié Maître Felono qui s'est démené. Enfin. Je voudrais faire un grand merci bravo. Bravo à l'équipe du 9h30-11h, Marie, Sarah, Charlotte, nos deux négociateurs, Bernard et vous Hervé. Ils ont vraiment, ça n'a pas arrêté aujourd'hui, c'était une des émissions les plus speed que l'on ait connues, mais on a bien bougé sur tous les dossiers. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. À demain 9h30, vous écoutez RTL, il est 11h. L'information de nouveau, c'est avec vous, Marie Guerrier. Rebonjour. Rebonjour, Julien. Bonjour à tous. Dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet à Nice, 8 hommes de l'entourage du chauffeur du camion meurtrier ont été interpellés cette nuit dans les Alpes-Maritimes. 8 hommes de nationalité française et tunisienne. Ils sont en garde à vue. Ils répondent aux questions des policiers pour déterminer s'ils ont été les complices du meurtrier. L'ancien joueur de foot Djibril Cissé a été agressé hier soir par deux hommes qui l'ont menacé avec une arme à feu à la sortie d'un restaurant des Puces de Saint-Ouen au nord de Paris. Deux bracelets sans valeur lui ont été volés et les agresseurs ont pris la fuite à pied. Un petit avion de tourisme a dû se poser en urgence ce matin vers 9h30 sur l'autoroute A8 dans le Var, entre le Luc et Brignoles. Il n'y a pas de victime. Apparemment, l'appareil à hélice a été victime d'une avarie technique. Il y avait deux personnes à bord. Le seul endroit dégagé pour se poser, c'était l'autoroute. Il a atterri à un endroit où la bande d'arrêt d'urgence est assez large. Il a pu se ranger sur le côté. Le bout de son aile dépasse toutefois sur la voie de droite. Il faut maintenant trouver le moyen de sortir l'avion de là. Comme il ne peut pas décoller, il pourrait être démonté. Le déficit de la sécurité sociale s'est réduit en 2015. L'amélioration est réelle, mais fragile, note la Cour des comptes. Alors elle ajoute qu'il faut poursuivre les efforts, essentiellement dans la branche assurance maladie. Le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, insiste sur la maîtrise des dépenses. Il demande des réformes en profondeur. Il faut aussi que l'accès aux soins soit amélioré, dit-il. La Cour des comptes constate notamment que près d'un assuré sur cinq renonce à des soins dentaires pour des raisons financières. Il faut donc un meilleur remboursement des soins bucco-dentaires par l'assurance maladie et davantage d'encadrement de la profession. Renforcement de la sécurité pour les deux roues. Le port de gants sera obligatoire pour les conducteurs et les passagers de moto et de scooter à partir du 20 novembre. Et l'absence du port de ces gants, homologués à la norme européenne CE, pourra être punie d'une amende de 68 euros, ainsi que la perte d'un point de permis pour le pilote. À propos d'infractions routières, un projet de loi prévoit d'obliger les patrons à dénoncer leurs salariés auteurs d'infractions au volant d'une voiture de fonction pour un éventuel ensuite retrait de points sur le permis. Mais l'organisation patronale des petites et moyennes entreprises ne veut pas en entendre parler. La CGPME dénonce cette disposition. Alors RTL vous pose la question aujourd'hui. Les entreprises doivent-elles dénoncer leurs salariés ? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en discuter au 3210 dans RTL Midi avec Christelle Robière et Vincent Parisot. Un puissant typhon a touché le Japon ce matin avec des pluies torrentielles et du vent à plus de 180 km/h. Il y a d'importants dégâts sur l'île de Kyushu. La météo en France, encore beaucoup de nuages sur la moitié nord, mais les éclaircies reviennent aujourd'hui par l'ouest. Et puis le soleil se maintient près de la Méditerranée avec du vent soutenu. Les températures maximales cet après-midi dans une fourchette de 18 à 27 degrés du Havre jusqu'à Marseille. On attend 21 à Paris. Les courses à Auteuil, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet, il vous conseille de jouer le 2, le 3, l'As, le 5, le 8, le 13, le 9 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 3, baguette magique. Bernard Glass qui vous a indiqué hier le beau quarté à Saint-Cloud avec la victoire de son favori. Il est 11h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL, bien sûr, à la bonne heure avec Stéphane Bern. Merci, bonjour Marie, on va retrouver Marie Guerrier à midi. Et c'est vraiment à la bonne heure parce que nous sommes en compagnie merveilleuse de Guillaume Gallienne ce matin. Bonjour, alors, je vais vous présenter dans les formes du bon usage, mais d'abord je vous présente mes petits camarades. Ah oui, s'il vous plaît. Son J'accuse, c'est tous les mardis aux alentours de 11h20, et aujourd'hui elle a trouvé une cause à sa mesure, elle est contre les pulls à trous. Si Joël, c'est pas fondamental, ouais, ça quand même. Joël Grand, voilà. Emile sort de ce corps. Absolument. Ouais. Mais je voulais dire avant de commencer l'émission que j'ai adoré le film du monsieur qui est là. Oui, parce que d'habitude, on dit on aime les femmes, nous, on aime les histoires d'amour. Mais les histoires d'amitié, c'est aussi extraordinaire, avec les rivalités, surtout entre deux créateurs. J'ai adoré ce film. Voilà. Quoi qu'il y a de la langue. Poète, prends pour lui, tu me donnes un baiser. Merci beaucoup. C'est le film de Daniel Thompson, mais merci beaucoup. Ah, voilà. C'est la seule gentillesse de Joël Goron d'émission. Joël aurait pu aussi.